Vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1 et parlant d'ondes, on sait qu'il y a les ondes radio, celles que vous écoutez en ce moment, mais en poésie, les ondes font aussi référence à l'eau qui coule, les rivières. Les rivières, c'est un peu notre premier sujet ce soir, sauf qu'on va en parler de façon pas très poétique, mais plutôt mathématique. Et pour nous en parler, nous recevons Emmanuelle Millet, qui est professionnelle de recherche à l'INRS. Elle nous parle d'hydrogéologie et de modélisation, mais rassurez-vous, elle va nous expliquer tout ça. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Valérie. Alors Emmanuelle, commençons par le début, hydrogéologie. Bon, si on découpe le mot, on reconnaît le préfixe hydro, qui veut dire eau, et le mot géologie. Mais ça se marie comment ça, l'eau et la géologie? Ça se marie bien, on va dire. Donc l'hydrogéologie, c'est la science qui étudie l'eau souterraine. Et contrairement aux rivières que l'on peut facilement voir couler à la surface du sol, l'eau souterraine va circuler invisiblement sous nos pieds à travers les pores et les fissures de la roche. Mmh. Un aspect du travail d'un hydrogéologue va consister à récolter, un peu à la manière d'un détective, des indices sur le terrain afin de déterminer, par exemple, la quantité d'eau contenue dans le sol, la direction de son écoulement ou d'éventuels problèmes sur sa qualité. Oui, et des indices, parce qu'effectivement, on ne peut pas la voir. L'eau qui coule en surface, les rivières, on les voit, mais ce qui se passe dans le sol, on ne voit pas très bien. Donc, faut récolter des indices. Et est-ce que c'est à partir de ces indices que vous faites cette fameuse modélisation? Oui, exactement. L'ensemble de ces indices, ou ce qu'on appelle aussi des données de terrain, forment la matière nécessaire à la réalisation d'une sorte de maquette ou encore un modèle. Donc là, on est loin du volcan en papier mâché. Les modèles que l'on réalise aujourd'hui en sciences de la Terre sont des modèles numériques sur des ordinateurs qui utilisent des formules mathématiques qui vont reproduire de manière simplifiée la complexité de la nature. Et est-ce que vous auriez un exemple concret de modélisation en hydrogéologie pour qu'on visualise un peu mieux ce que c'est ? Oui, par exemple, pour partir de quelque chose concret qui pourrait parler à tout le monde, on voit souvent sur le bord de la route d'anciennes stations-service qui restent abandonnées pendant plusieurs années. Ouais. La raison qui peut être liée à ça, c'est la présence d'une contamination souterraine. Donc ça peut être lié à des fuites d'essence. Les fuites peuvent venir des problèmes d'étanchéité au niveau des cuves ou tout simplement de déversements occasionnels lors de leur remplissage. Donc ça va s'avérer être un fardeau économique pour d'éventuels acheteurs. Ouais. Donc dans ce cas, lorsqu'une contamination est avérée, on fait appel à des hydrogéologues pour comprendre ce qui se passe. Et bien souvent, le travail de ces hydrogéologues va s'appuyer sur des modèles qui vont pouvoir déterminer l'étendue de la pollution ou sa vitesse de propagation. Mmh, d'accord. Donc la modélisation, si je reprends un petit peu, ça permet de se représenter un écoulement dans le sol. Donc dans ce cas-là, l'écoulement finalement de la pollution. Et quel est le principal enjeu ou la difficulté pour faire cette modélisation? Donc, comme vous avez dit tout à l'heure, hydrogéologie, géologie, il y a terre. Et pour obtenir des modèles qu'on va appeler valides, un enjeu en hydrogéologie va être la représentation du sol de cette terre, en fait. Ouais. Et on peut considérer le sol comme une grosse éponge à travers l'eau. À travers laquelle l'eau va circuler. Et la base de tout travail de modélisation va donc consister à essayer de créer un modèle de sol qui imite de manière réaliste les propriétés physiques. Et au final, quels vont être ces objectifs? Comment on va pouvoir s'en servir? Avant toute chose, un travail de modélisation répond toujours à une question que l'on s'est posée au préalable. Il faut que ça réponde à des objectifs clairs pour éviter certains écueils, comme par exemple se lancer dans un modèle qui aurait un trop grand degré de complexité superflu, inutile. Ouais. Ça permet aussi de poser clairement les hypothèses simplificatrices qui seront faites par la suite. Et aussi pour pouvoir rester critique vis-à-vis de nos résultats. Un objectif concret en modélisation peut être tout simplement de synthétiser la grande quantité d'informations qui est récoltée sur le terrain afin que les scientifiques aient une vision globale des phénomènes. Mais on a d'autres objectifs comme par exemple la prédiction de ces phénomènes. Par exemple, si on revient au cas de fuite d'essence dont on a parlé, on peut vouloir savoir si la contamination va atteindre des puits domestiques, mm-hmm. Dans combien de temps elle va atteindre ces puits, jusqu'où elle va s'étendre. Donc ça, c'est vraiment un objectif prédictif, pouvoir prédire des comportements futurs en se basant sur des observations actuelles. Ok. Donc ça veut dire... donc par exemple, on prend on fait des observations sur la nature du sol, voir s'il est poreux, etc. Puis peut-être aussi sur la nature du contaminant, voir si c'est quelque chose de visqueux ou pas. Et là, donc, il y a tout un tas de calculs qui nous permettent de dire bah, la pollution va se répandre dans 5 jours, ça va atteindre la maison plus loin. Tout à fait, oui. Quelque chose comme ça, d'accord. Mais est-ce que ces modèles sont une représentation absolue de ce qui se passe ou de ce qu'il va se passer? Ou est-ce qu'il y a quand même une part d'incertitude là-dedans? Jusqu'où on peut s'y fier? Oui, non, c'est sûr qu'il y a une part d'incertitude liée à tout travail de modélisation. L'incertitude, elle est à la base sur la récolte des données, la qualité des données qu'on va obtenir, la quantité des données qu'on a à notre disposition pour faire ces modèles, les formules mathématiques que l'on utilise. Tout ça, c'est autant de simplifications et de sources d'incertitude qui vont se répercuter sur le modèle final. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'on doit garder en tête pour avoir un regard critique sur l'analyse des résultats. Donc, oui, c'est vrai que on ne peut pas vraiment dire qu'un modèle est vrai ou totalement vrai à cause de ça. D'accord. Donc, mais j'imagine, est-ce qu'on est capable de connaître cette incertitude ou est-ce qu'on peut faire quelque chose pour diminuer cette incertitude et rendre les modèles de plus en plus proches de la réalité? Oui, donc en fait, plutôt que d'écarter comme on voudrait finalement peut-être le faire au départ, la notion d'incertitude, une méthode que l'on tend à développer à l'INRS où je travaille, c'est de se baser plutôt sur des méthodes statistiques et de réaliser dès le départ plusieurs modèles tous aussi probables plutôt que d'avoir finalement un modèle moyen dont on saurait qu'il va comporter des incertitudes mais quelque part non quantifiées. D'accord. Et donc, mais qu'est-ce qu'on fait avec tous ces modèles s'ils sont, est-ce qu'ils sont tous équivalents parce qu'ils doivent arriver à des résultats différents? Donc, comment on choisit? C'est justement ce qui est intéressant, c'est d'avoir à notre disposition tout un panel de réponses qui sont toutes réalistes. Et après, ça va être le travail de l'hydrogéologue ou de l'expert de regarder ces réponses et de pouvoir finalement en écarter certaines en fonction de son expertise, mais aussi de l'écart entre la réponse que ces modèles produisent et aussi la réalité. La réalité, d'accord. Et puis, savez-vous si c'est un peu comme ça que fonctionne quand on pense modèle du GIEC aussi? Est-ce que c'est un peu comme ça que ça fonctionne? Ça, je ne sais pas encore. Je ne voudrais pas m'avancer d'accord, là-dessus. D'accord. C'est peut-être une question piège. Je vais arrêter de poser des questions piège. En tout cas, voilà qui nous permet de voir plus clair dans cette notion de modélisation. Merci Emmanuel. Merci Valérie. Donc, nous étions en compagnie d'Emmanuel Millet, qui est professionnel de recherche à l'INRS. On part maintenant en musique sur CKRL au 89.1. Au retour, nous parlerons du changement d'heure. Et pour nous mettre dans le sujet, voici justement une pièce de Louise Attaque qui s'appelle « Vous avez l'heure ».